Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de l'Oddi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore, avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux que ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes autrichiennes de Sa Majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait 3 fois la semaine un petit journal, grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Le même jour, on affichait l'avis d'une contribution de guerre de 6 millions, frappée pour les besoins de l'armée française, laquelle, venant de gagner 6 batailles et de conquérir 20 provinces, manquait seulement de souliers, de pantalons, d'habits et de chapeaux. La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Normandie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de 6 millions qui bientôt fut suivie de beaucoup d'autres. Les officiers avaient été logés autant que possible chez les gens riches. Par exemple, un lieutenant nommé Robert eut un billet de logement pour le palais de la marquise del Dongo. Lorsque le majordome de la maison se présenta dans la chambre du lieutenant Robert pour l'inviter à dîner avec madame la marquise, celui-ci fut plongé dans un mortel embarras. De la vie, je ne fus plus mal à l'aise, se disait le lieutenant Robert. La marquise del Dongo, ajoutait-il, était alors dans tout l'éclat de sa beauté. La marquise, pour se donner un peu de courage, avait envoyé prendre au couvent où elle était pensionnaire en ce temps-là, Gina del Dongo, sœur de son mari, qui fut depuis cette charmante comtesse Pietranera. Personne dans la prospérité ne la surpassa par la gaieté et l'esprit aimable, comme personne ne la surpassa par le courage et la sérénité d'âme dans la fortune contraire. Gina pouvait avoir alors 13 ans, mais en paraissait 18. 8 jours après, racontait Robert, quand il fut bien avéré que les Français ne guillotinaient personne, le marquis del Dongo revint de son château de Grianta, sur le lac de Côme, où bravement il s'était réfugié à l'approche de l'armée, abandonnant au hasard de la guerre sa jeune femme si belle et sa sœur. La haine que ce marquis avait pour nous avait été égale à sa peur, c'est-à-dire incommensurable. L'histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français. Au lieu de se moquer de la misère de ces braves soldats, on en eut pitié et on les aima. Cette époque de bonheur imprévu et d'ivresse ne dura que 2 petites années. Le marquis del Dongo avait été un des premiers à regagner son magnifique château de Grianta, au-delà de Côme, où les dames menèrent le lieutenant Robert. Ce château, situé dans une position peut-être unique au monde, sur un plateau à 150 pieds au-dessus de ce lac sublime, dont il domine une grande partie, avait été une place forte. La famille del Dongo le fit construire au XVe siècle. Le marquis avait laissé sa jeune femme à Milan. Elle y dirigeait les affaires de la famille. Elle était chargée de faire face aux contributions imposées à la Casa del Dongo, comme on disait dans le pays. Le marquis avait arrangé le mariage de sa jeune sœur Gina avec un personnage fort riche et de la plus haute naissance. Et bientôt, elle fit la folie d'épouser le comte Pietranera. C'était un fort bon gentilhomme, très bien fait de sa personne, mais ruiné de père en fils, et, pour comble de disgrâce, partisan fougueux des idées nouvelles. Pietranera était sous-lieutenant de la Légion italienne, surcroît de désespoir pour le marquis. Après ces 2 années de folie et de bonheur, le lieutenant Robert, devenu chef de bataillon et blessé à la bataille de Cassano, vint loger pour la dernière fois chez son amie, la marquise del Dongo. Les adieux furent tristes. Robert partit avec le comte Pietranera qui suivait les Français dans leur retraite sur Novi. La jeune comtesse suivit l'armée montée sur une charrette. Alors commença cette époque de réaction et de retour aux idées anciennes que les Milanais appellent i 13 mesi, les 13 mois, parce qu'en effet, leur bonheur voulut que ce retour à la sottise ne dura que 13 mois jusqu'à Marengo. Parmi ces hommes qui étaient allés bouder dans leur terre et qui revenaient, altérés de vengeance, le marquis del Dongo se distinguait par sa fureur. Comme il joignait une avarice sordide à une foule d'autres belles qualités, il se vanta publiquement de ne pas envoyer un écu à sa sœur, la comtesse Pietranera. Toujours folle d'amour, elle ne voulait pas quitter son mari et mourait de faim en France avec lui. La bonne marquise del Dongo était désespérée. Pendant les 13 mois que les Français passèrent hors de Milan, cette femme si timide trouva des prétextes et ne quitta pas le noir.